إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc pour commencer j'aimerais m'excuser pour le retard et puis en même temps j'annonce que inchallah la semaine prochaine on va essayer de rajouter un ou deux jours durant la semaine pour faire les cours inchallah étant donné que la session termine donc on aura plus de temps libre alors on pourra inchallah faire rajouter un jour ou deux durant la semaine pour compléter les dourous qu'on donne le dimanche, inchallah. Et puis, la dernière fois, on avait terminé à expliquer les caractéristiques particulières du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en ce qui concerne ce qui le distingue de sa umma, les choses qui lui ont été permises ou interdites à lui en particulier, en dehors du reste de la Umma. Et puis il restait un dernier point que j'avais lu en arabe mais que j'avais pas expliqué, et c'était le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ses femmes après sa mort restent toujours ses femmes et qu'elles ne peuvent pas se remarier après. Et donc ça c'est une chose qui est particulière pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pas le cas pour les autres femmes qui sont mariés avec d'autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après leur mort, elles peuvent épouser un autre homme. Donc ça c'est une chose qui est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le chef, ce qu'il a dit par la suite, c'est qu'il allait expliquer trois des caractéristiques les plus grandes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première c'est al-Isra wa al-Mi'raj. Le deuxième c'est le fait que son message est un message pour une générale, pour tous les mondes, pour tous les hommes. Et le troisième, c'est le fait qu'il est le dernier des messagers. Donc, on commence avec le premier qui est al-Isra ou al-Mi'raj. Le Cheikh dit, قال الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة يمجد الله تعالى نفسه ويعظم شأنه لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه، فلا إله غيره ولا رب سواه. الذي أسرى بعبده يعني محمدا صلى الله عليه وسلم ليلا أي في جنح الليل من المسجد الحرام وهو مسجد مكة إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس الذي بإلياء معدن الأنبياء من لدن إبراهيم عليه إبراهيم الخليل عليه السلام، ولهذا جمعوا له هناك كلهم. فأما في محلتهم ودارهم فأمهم في محلتهم ودارهم فدل على أنه هو الإمام الأعظم والرئيس المقدم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وقوله تعالى الذي باركنا حوله أي في الزروع والثمار لنريه أي محمدا من آياتنا أي العظام كما قال تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى وقوله تعالى إنه هو السميع البصير أي السميع لأقوال عباده مؤمنهم وكافرهم ومصدقهم ومكذبهم البصير بهم فيعطي كلا منهم ما يستحقه في الدنيا والآخرة. Donc, qu'est-ce qu'il explique? Le cheikh, il explique le verset en citant le tafsir de ce verset de l'imam Ibn Kathir dans son tafsir, tafsir au Qur'an al-Azim. Donc, il commence en disant que Allah a dit gloire et pureté à celui qui a fait voyager de nuit son serviteur de la mosquée al-Haram à la Mecque jusqu'à la mosquée al-Aqsa, dont on a béni les alentours, les alentours de l'Aqsa. Et l'inouriyahu min ayatina, pour lui faire voir de nos merveilles. Innahu huwa as-sami' al-basir. Et c'est lui l'audient et le voyant, c'est-à-dire celui qui entend tout et qui voit toutes choses. قال الحافظ ابن كثير الحافظ ابن كثير رحمه الله il a dit dans son tafsir au sujet de ce verset Allah subhanahu wa ta'ala il se glorifie lui-même et il s'exalte lui-même par son pouvoir, de sa pouvoir, les choses qu'il fait que personne d'autre que lui peut faire, parce qu'il n'y a rien, il n'y a rien qui mérite l'adoration excepté lui, et il n'y a pas de Dieu en dehors de lui. الذي أسرى بعبده تبارك الله سبحانه وتعالى celui qui a fait voyager son serviteur le prophète محمد صلى الله عليه وسلم de nuit pendant la nuit de la mosquée de la Mecque al-Haram jusqu'à بيت المقدس en Palestine qui est l'endroit d'où viennent tous les autres prophètes depuis Abraham et ils ont tous été réunis ensemble à cet endroit-là, c'est-à-dire à Bayt al-Maqdis, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a dirigés dans la prière. Et donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a dirigés dans la prière à cet endroit-là montre que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est le plus grand des prophètes et c'est le chef des prophètes en fait, et c'est lui qui est devant tous les autres. Et que la paix et le salut d'Allah soit sur eux tous et sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il dit l'explication de Al-Nazi Barakna Hawla, c'est-à-dire la mosquée de l'Aqsa, celle qu'on a béni, dont on a béni les alentours, signifie que Allah soit l'a béni par toutes sortes de fleurs et de fruits. Fizzuru'i wa simar. Linuriyahu et pour faire voir au prophète sallallahu alayhi wa sallam de nos merveilles, min ayatina, de ses signes, de ses grands signes, de ses grandes merveilles. Comme a dit ta'ala, laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra. Certes, Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a fait voir, il a vu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vu des grandes merveilles de son Seigneur, certaines des grandes merveilles de son Seigneur. Ça c'est dans Surat al-Najm. Il mentionne ce verset pour clarifier un peu la signification de l'inuriyahu min ayatina, il cite l'autre verset dans lequel Allah dit la qadra'a min ayati rabbihi al-kubra. Par la suite, il dit, à la fin du verset dans Surat al-Isra, le premier verset, à la fin, ça termine, et dans Allah, il termine le verset en disant, innahu huwa as-sami'u al-basir, et Ibn Kathir l'explique en disant que c'est Allah qui entend toutes les paroles de ses serviteurs, qu'ils soient parmi les croyants et parmi les mécréants, c'est-à-dire il entend les paroles de tous les serviteurs, et qu'ils aient cru en le message ou qu'ils l'aient rejeté ou refusé de croire ou dénié. Et Al-Basir, c'est-à-dire celui qui est le voyant, et le cheikh il explique, il dit Al-Basir bihim فيعطي كلا منهم ما يستحقه في الدنيا والآخرة. C'est-à-dire, c'est celui qui les voit, qui voit ses serviteurs et qui sait exactement donner à chacun d'entre eux qu'est-ce qu'il mérite dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, c'est l'Akhirah. Donc ça c'est dans Tafsir al-Mukathir. Ensuite le cheikh il explique en continuant et il dit « وَالْمِعْرَاجِ مِثْعَالٌ مِنَ الْعُرُوجِ أي الْآلَى الَّتِي يُعْرَجُ فِيهَا أي يُسْعَدُ وهو بمنزلة السلم لكن لا يعلم كيف هو إلا الله وحكمه كحكم غيره من المغيبات نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته أو نعم. Donc le cheikh il explique que al-mi'raj c'est en fait la chose par laquelle avec laquelle on monte, on s'élève, d'accord. Et donc c'est une sorte de c'est qu'est-ce qu'on utilise pour s'élever ou faire une ascension. Et c'est comme par exemple on peut appeler une échelle, on peut l'appeler mi'raj aussi parce que on s'en sert pour s'élever, pour monter en haut de au-dessus de quelque chose ou s'élever. Et le cheikh il dit mais on peut pas savoir du tout comment ça s'est passé exactement, excepté Allah, c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui sait comment il a été capable de faire cette chose. Et c'est la même chose pour la même chose au sujet de al-mi'raj, on le dit aussi au sujet de toute autre chose qui font partie de l'invisible, c'est-à-dire tout le monde de l'invisible, de l'inconnu, les choses qui ont rapport avec al-ghayb, comme par exemple le paradis et l'enfer. Et bien ça aussi ça fait partie des choses que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît vraiment. Et donc on ne peut pas rentrer là-dedans pour essayer de le décrire ou de le définir ou essayer de le comprendre sans se baser excepté dans les limites de qu'est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué. والذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة وقبل الهجرة بسنة وقيل بسنة وشهرين وذكره ابن عبد البر رحمه الله تعالى. Donc le cheikh il explique que les imams de l'islam, أئمة النقل, les gens qui ont rapporté les hadiths, ils ont clarifié que l'Isra s'est passé une seule fois et que c'était à Mecca après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut la prophétie et que ça s'est passé une année avant le Hijra et selon certains deux ans avant le Hijra et selon certains ça s'est passé un an avant le Hijra et selon d'autres un an et deux mois. Et ça a été rapporté par Ibn Abdul Barr. Après, le cheikh il explique la description de ce qui s'est passé dans l'Isra ou le Mi'raj. Il dit sifat al-Isra ou al-Mi'raj al-Mustafada min al-Nusus. La description de l'Isra ou le Mi'raj qu'on peut tirer des textes révélés par Allah sallallahu alayhi wa sallam. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره والحق أنه عليه السلام أسري به يقظة لا مناما من مكة إلى بيت المقدس راكبا البراق فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب ودخله وصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين ثم أتي بالمعراج وهو السلم ذو درج يرقى فيه فصعد فيه إلى السماء الدنيا ثم إلى بقية السماوات السبع فتلقى من كل سماء يقربوها وسلم على الأنبياء الذين في السماوات بحسب منازلهم ودرجاتهم حتى مر بموسى الكليم في السادسة وإبراهيم الخليل في السابعة ثم جاوز منزلتهما صلى الله عليه وعليهما وعلى سائر الأنبياء حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام أي أقلام القدر بما هو كائن. Donc je vais expliquer ce que j'ai lu jusqu'à maintenant. الحافظ ابن كثير il dit dans son tafsir yani la vérité au sujet de l'Isra al-Mi'raj, yani c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été transporté en état d'éveil, non endormi, de la Mecque jusqu'à Bayt al-Maqdis en Palestine. Il a monté sur Al-Buraq, qui est une sorte de créature qu'Allah a créée, qui est blanche et qui est éclatante, qui brille. Et lorsqu'il a terminé, il est parti de cette, lorsqu'il est arrivé, il s'est arrêté devant la porte et il a attaché la bête, la monture qu'il a utilisée pour aller jusqu'à Bayt al-Maqdis, et il est entré dans la mosquée et il a prié 2 rak'ah. Puis par la suite, il s'est élevé aux cieux. On lui a donné al-mi'raj. Et c'est comme une échelle avec des marches sur lesquelles il peut monter et gravir les échelons ou les marches. Alors il a monté jusqu'aux cieux, le dernier des cieux, le ciel de Sama Dunya, comme on appelle le ciel qu'on voit maintenant quand on regarde dehors où il y a les étoiles. Ça c'est le dernier des cieux, c'est Sama Dunya, c'est le ciel de notre monde. Ensuite il a continué à monter jusqu'au 7e. Et à chaque étage et à chaque ciel, il rencontrait les anges rapprochés hein, qui étaient dans ces étages, et il donnait le salut à tous les prophètes qui étaient dans chacun de ces cieux selon leur degré et leur niveau, jusqu'à ce qu'ils passent auprès de Moussa, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a parlé directement dans le sixième ciel, et Ibrahim al-Khalil dans le 7e. Et lorsqu'il a dépassé leur niveau, il s'est approché à un niveau où aucun autre prophète avant lui avait été, où personne avant lui ne s'était rapproché autant, jusqu'à ce qu'il s'arrête au point où il entendait les plumes des anges qui étaient en train d'écrire les informations au sujet de la destinée. Et il a vu As-Sidrat al-Muntaha. C'est un arbre qui se tient aux limites des cieux. Et وَغَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى عُزْمَةً عَظِيمَةً. Donc c'est ça, ce point-là. Après il dit Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait voir toutes sortes de merveilles, hein, des lits en or et de toutes sortes de couleurs et toutes sortes de choses. Et par la suite il a vu Jibril sous sa vraie apparence, et il l'a vu avec ses 600 ailes. Et ça c'est rapporté dans des hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu Jibril à 2 occasions. Une fois c'était le jour de l'Isra ou le Mi'raj, la nuit de l'Isra ou le Mi'raj, et une autre fois il l'avait vu auparavant aussi ou après. Et puis il a dit que Jibril alayhi salam, il a 600 ailes, et avec une seule de ces 600 ailes, il peut couvrir les cieux et la terre. Donc ça nous donne une idée de la grandeur de Jibril alayhi salam, c'est le plus grand des anges. Donc ça c'est dans sa forme réelle, parce que souvent il apparaissait aussi mais sous la forme d'un homme. Quand il voulait parfois se faire, il prenait l'apparence humaine. Ça, je pense pas, mais Allahu A'lam. Mais je sais que on connaît tous le hadith de Jibril, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar ibn Khattab il était assis avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'un homme est apparu, et ses vêtements étaient d'un blanc très éclatant, et puis il avait les cheveux très très noirs, hein. Donc, il n'avait aucun signe de voyage. C'est-à-dire une personne que personne n'avait jamais vue. Il n'avait aucun signe sur lui qu'il avait voyagé. Il avait les vêtements d'un blanc éclatant, ce qui est contraire quelqu'un qui voyage et qu'il avait les cheveux noirs foncés. Donc, et à la fin de ce hadith, après que cet homme ait demandé au sujet de l'islam, son iman, son ihsan, et les signes du jugement dernier, tout ça, et bien à la suite, quand il est parti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que vous savez qui c'est cet homme? Et bien, comme les sahaba ont dit, non, on ne sait pas, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, إِنَّهُ جِبْرِيلَ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ. Donc ça veut dire que c'était Jibril qui était venu, il avait pris la forme lui-même. Par la suite, le chef il dit, وَلَهُ سِتُّ مِئَةْ جِنَاحْ. Donc ça, il a 600 ailes. وَعَلَيْكُمْ سَلَامُ وَحَفُوَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. Alhamdulillah. Donc ensuite il a vu Al-Bayt al-Ma'amour. Al-Bayt al-Ma'amour et Ibrahim al-Khalil. Il a vu Ibrahim al-Khalil encore qui a le dos tourné vers le dos à côté sur Bayt al-Ma'amour, car c'est la Kaaba du ciel. Et chaque jour il y a, non j'ai pas encore lu cette partie en arabe, on va aller inshallah. وراءه هناك جبريل. وراء سدرة المنتهى وغشيها من أمر الله تعالى عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة وغشيتها الملائكة وراء هناك جبريل على سورته وله 600 جناح وراء رفرفا أخضر قد سد الأفق ورأى البيت المعمور وإبراهيم الخليل باني الكعبة الأرضية مسند ظهره إليه لأنه الكعبة السماوية يدخل كل يوم 70,000 من الملائكة ثم يتعبدون فيه ولا يعودون إليه إلى يوم القيامة ورأى الجنة والنار ففرض الله عليه هنالك الصلوات خمسين ثم خففها إلى خمس رحمة منه ولطفا بعباده وفي هذا اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتها ثم هبط إلى بيت المقدس وهبط معه الأنبياء فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة ويحتمل أنها الصبح من يومئذ ومن الناس من يزعم أنه أمهم في السماء والذي تظاهرت في الروايات أنه أمهم ببيت المقدس ولكن في بعضها أنه كان أول دخوله إليه والظاهر أنه بعد رجوعه إليه لأنه لما مر بهم في منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحدا واحدا وهو يخبر بهم وهذا هو اللائق لأنه كان أول مطلوبا إلى الجناب العلوي ليفرض عليه وعلى أمته ما يشاء الله ثم لما سرق من الذي أريد به اجتمع فيه أي ببيت المقدس وهو وإخوانه من النبيين ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في الإمامة وذلك عن إشارة جبريل عليه السلام له في ذلك ثم خرج إلى بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة فغلت والله سبحانه وتعالى أعلم. Donc ça c'est la citation de l'imam Al-Hafiz ibn Kathir dans son tafsir au sujet de ça. Donc il continue à expliquer comme on disait que yani, au sujet de Bayt al-Ma'amour, c'est une Kaaba qui est dans le ciel et chaque jour il y a 70 000 anges qui entrent pour adorer dedans. Et puis quand elles sortent, ils ne reviennent jamais. Donc ça veut dire à chaque jour, il y a 70 000 anges qui rentrent sans jamais retourner. c'est-à-dire jusqu'au jour du jugement dernier, ça va continuer comme ça, yani. 70 000 ans, continue. Ça nous donne une idée de l'immense nombre, l'immense quantité des anges qui existent. Hein? Subhanallah. Et ils sont tous créés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Par la suite, il dit, donc Allah subhanahu wa ta'ala, ah oui, il a vu aussi le paradis et l'enfer. Et il a vu, et Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce jour-là, les prières. Et il a commencé par 50 prières. Au tout début, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier 50 fois par jour pour sa ummah. Mais en descendant, il a rencontré Moussa, et Moussa lui a dit, yani, je pense pas que ta ummah sera capable, etc. Donc il est remonté pour demander à Allah de lui alléger un peu. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a descendu ça à 5. Donc, on prie 5 fois par jour, et puis je pense que dans un hadith, ça disait que la récompense de chaque prière, ça vaut 50 fois la prière à cause de ça. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il dit que Allah a rabaissé le nombre des prières par miséricorde et par douceur pour ses serviteurs. Et dans ça, il y a le fait que, l'importance de la prière et la grandeur de son importance et de sa position dans la charia, parce que c'est le seul ordre parmi les adorations qui ont été ordonnées directement par Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il est monté au ciel, tandis que les autres ordres sont les autres adorations, ben ils ont été révélés par Jibril quand il était sur la terre, quand le prophète Hassan était sur terre. Donc ça, c'est une des distinctions qui montre que c'est une des plus grandes formes d'adoration. Par la suite, le cheikh il explique, Ibn Kathir, il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est redescendu à Bayt al-Maqdis, et les autres prophètes sont descendus avec lui, et il a prié avec eux à Bayt al-Maqdis, et ils ont tous prié derrière lui, alors que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était leur imam. Et le chef, il dit qu'il est possible que ce soit la prière de Subh de ce matin-là. Et il y en a des gens qui croient que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les a guidés en prière dans le ciel. Mais il dit ce qui est le plus apparent parmi les narrations, c'est qu'il les a guidés en prière dans la mosquée al-Bayt al-Maqdis. Et le chef, il dit que dans certaines des narrations, qu'il a prié quand il est entré en premier. Mais le plus apparent, encore une fois, le chef Ibn Kathir dit que c'était lorsqu'il est revenu de son ascension. Parce que lorsqu'il est monté aux cieux, il est arrivé à chaque étage et à chaque niveau, et il demandait à Jibril, un par un, qui est ce prophète, et là, qui est cet homme, et là Jibril lui disait, ça c'est Issa, et ça c'est Moussa, et ça c'est etc. Donc, ça veut dire que Jibril lui faisait la présentation à chaque étage. Et ça c'est ce qui est plus clair. Donc ça c'est parce que, yani, ça c'était comme s'il est monté au ciel, il a rencontré les prophètes, et Allah lui a ordonné la prière. Par la suite, en descendant, quand il a terminé, il les a rassemblés dans Bayt al-Maqdis, lui et ses frères, parmi les prophètes. ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه. Donc après, Allah subhanahu wa ta'ala a fait voir sa noblesse et son mérite qu'il avait par-dessus eux, en le mettant au devant, et puis en le faisant être l'imam. Et ça, c'est Jibril alayhi salam qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, passe devant et fait l'imam et guide la prière. Par la suite, il est sorti de Bayt al-Maqdis, il est remonté sur Al-Buraq et il est retourné à Mecca. Donc ça c'est ce qui s'était passé. Et donc là on sait la suite, c'est que yani les gens de Quraysh leur ont annoncé ça, et donc ils ont commencé à le nier et à le traiter de menteur et toutes sortes de choses comme ça. Et beaucoup de gens, même de ceux parmi ceux qui avaient cru en son message, ont commencé à rejeter et à revenir à la mécréance. Et parmi eux, il y a mis beaucoup parmi eux ont rejeté la foi, sauf Abu Bakr al-Siddiq. Les mouchriquins sont allés le voir et lui ont dit, est-ce que tu as entendu qu'est-ce que ton compagnon raconte? Et en parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu as entendu ce qu'il raconte? Il dit qu'il est parti pendant la nuit, mais en une seule nuit il est arrivé en Palestine, puis par la suite il est monté aux cieux, il est redescendu, puis il est revenu à la Mecque en une seule nuit. Donc en voulant dire ça, c'est impossible. Et là, Abu Bakr al-Siddiq, tout le temps qu'on lui raconte ça, il disait, oui, c'est vrai, j'y crois. Mais il n'a pas dit. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a baptisé al-Siddiq, celui qui est le véritable, c'est-à-dire celui qui a confirmé qu'il est resté ferme sur sa foi, même lorsque les gens ont douté. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait même annoncé aux gens de Quraysh qu'est-ce qu'il avait vu sur la route pendant son voyage à Bayt al-Maqdis. Il leur a dit qu'est-ce qu'il avait vu, qu'il avait vu une caravane qui était en route, et il leur a décrit comment elle était et tout. Et puis effectivement, cette caravane est arrivée. Donc, c'était une preuve pour montrer qu'il était réellement français par la voie, et qu'il avait vu ces choses-là. Donc, le cheikh, il continue, il dit, « Hal kana al-isra'u bi badanihi alayhi salam » وروحه أو بروحه فقط. Donc le cheikh il explique, il dit, est-ce que l'Isra était avec le corps du prophète, le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire est-ce que c'était avec son corps et son âme, ou est-ce que c'était uniquement avec son âme qu'il a fait l'Isra ou le Mi'raj. Le cheikh il dit, اختلف الناس هل كان الإسراء ببدنه عليه الصلاة والسلام وروحه أو بروحه فقط على قولين. فالأكثرون من العلماء على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا مناما، والدليل على ذلك قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام، فلو كان مناما لم يكن فيه شيء كبير ولم يكن مستعظما، ولما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه، فلما ارتدت جماعة ممن كان قد أسلم، وأيضا فإن العبد عبارة عن مجموع الروح، نعم، فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والبدن، وقد قال تعالى أسري بعبده ليلا، وأيضا قال سبحانه وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، وقال ابن عباس رضي الله عنهما هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، رواه البخاري. وأيضا قال سبحانه ما زاغ البصر وما طغى، والبصر من آلات الذات لا الروح. وأيضا فإنه حمل على البراء وهو دابة بيضاء براقة لها لمعان، وإنما يكون هذا للبدن لا للروح، لأنها لا تحتاج إلى حركة في حركتها إلى مركب تركب عليه. Donc le cheikh il explique, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc il dit que la majorité des ulama, ils croient que, ou ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'ascension, ou est monté avec son corps et son âme. Il appelle l'Isra wa al-Mi'raj avec son corps et son âme, et non en état de sommeil, en état d'éveil. Et la preuve de ça, c'est le verset dans Surat al-Isra, le premier. Gloire et pureté à celui qui a fait voyager son serviteur de nuit de la mosquée. Il a fait voyager de nuit son serviteur de la mosquée al-Haram jusqu'à la mosquée al-Aqsa. laquelle, dont on a béni l'entour, les alentours. Cette tasbih, innama yakunu inda al-umur al-azam. Le chef, il essaie d'expliquer que le tasbih, que Allah fait au début de ce verset en disant Subhanallah, c'est pour des choses, uniquement des grandes choses. Allah subhanahu wa ta'ala dit pas ça pour une chose si elle n'est pas parmi les plus grandes. Et donc il dit, si c'était pas durant son sommeil, alors ce serait une chose ordinaire, ou ce serait pas une, voilà, ce serait pas une chose aussi grande que ça, et les kuffars de Quraysh, ils ne seraient pas précipités pour essayer de le dénier, ou de nier cette Isra ou al-Mi'raj. Si c'était seulement par le sommeil, il aurait dit, ben, j'ai eu un rêve, et j'ai vu que je suis monté, que je suis allé à Bayt al-Maqdis, puis par la suite j'ai monté au ciel. Donc, et allez, les kuffars de Quraysh, ils n'auraient pas commencé à essayer de nier ça. Ça aurait été quelque chose qu'ils auraient pu accepter. Hein. Mais ça, c'est une preuve que le fait qu'ils l'ont renié, ça montre que c'était réel avec son corps. Et un groupe des croyants avait apostasié l'islam, on y avait quitté l'islam. Et donc, le cheikh il explique que ça, c'est une preuve que c'était réellement avec son corps et non un rêve ou une vision ou juste avec son âme. Ensuite, il dit, et aussi, le serviteur, l'abd, eh bien, ça a un lien avec, ou ça se... Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit l'abd, eh bien, ça inclut l'âme et le corps, parce qu'un être humain, un serviteur, ça peut uniquement être un corps avec un âme, un corps sans âme, une âme sans corps, c'est pas, on n'appelle pas abd, d'après ce que le chef explique ici. Et il dit Usriya bi abdi, Usriya bi abdihi laylan, ou Asra bi abdihi laylan. وأيضا قال سبحانه يوتي الله سبحانه وتعالى في un autre verset nous n'avons pas fait de la vision que tu as vue excepté nous ne t'avons pas fait voir ce que tu as vu de vision excepté comme un test pour les hommes hein? Et Ibn Abbas il explique ce verset là dans Sahih Bukhari, c'est rapporté qu'il a dit c'est une vision que Allah subhanahu wa ta'ala a fait voir son prophète lors de l'Isra. Lorsqu'il a été, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala l'a transporté durant la nuit. C'est rapporté par Al-Bukhari. Et il dit aussi, dans un autre verset, ma zara al-basar wa ma tara. Dans un autre verset dans Surat al-Najm, et au début aussi dans ce verset-là, dans cette surat aussi, ça se réfère aussi à l'Isra ou al-Mi'raj. Il dit, sa vision n'a pas dévié et elle n'a pas transgressé non plus. Donc, ça veut dire qu'il a réellement vu ce qu'il a vu avec ses yeux. Et le chef, il explique que al-basar, ça fait partie des instruments ou des choses qui font partie du corps et non de l'âme. C'est ce qu'on voit avec les yeux. Et, وأيضا فإنه حمل على البراق. Yani, une autre preuve aussi, c'est que il a fait l'ascension ou il a voyagé de Mecca à Bayt al-Maqdis sur Al-Buraq, une créature qu'Allah lui a envoyée, et c'est une créature qu'on appelle Buraq. Comme le chef dit, c'est une bête qui est blanche et elle est étincelante, elle est brillante, et ça, c'est uniquement pour le corps, parce que l'âme n'a pas besoin d'un moyen de transport, elle peut voyager toute seule sans avoir l'aide d'une monture ou quelque chose de ce genre. Donc ça c'est une autre preuve que le chef explique ou donne pour montrer que c'était réellement avec son corps qu'il a fait l'Isra ou al-Mi'raj. Et le chef dit وقال آخرون بل أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بروحه وقال نعم بروحه لا بجسده ونقل هذا القول ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما ونقل عن الحسن البصري نحوه وليس المراد بهذا القول أن الإسراء كان مناما بل المراد أن الروح ذاتها أسري بها ففارقت الجسد ثم عادت إليه، وهذا من خصائصه، فإن غيره لا تنال ذات روحه السعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت. والمراد بالمنام أن ما رآه النائم، أن ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة بالمعلوم في الصورة المحسوسة، فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء وذهب به إلى مكة، وروحه لم تسعد ولم تذهب، وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال، والفرق بين الأمرين واضح. Donc le chef il dit qu'il y a d'autres personnes qui ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le Isra avec son âme sans son corps. Et ça a été rapporté par Ibn Ishaq selon Aisha et Muawiyah radiyallahu anhuma, et ça a été rapporté aussi par Al-Hassan al-Basri et quelque chose de semblable. Donc il dit, et qu'est-ce qu'on veut dire par le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'Isra avec son âme? Ça veut dire, c'est-à-dire il n'a pas fait en état de sommeil mais en état d'éveil, excepté que c'est son âme qui a quitté son corps et qui est montée puis qui est revenue. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et le chef il dit que ça fait partie des caractéristiques qui sont spécifiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et autres que lui n'ont pas ce privilège de pouvoir que leur âme monte aux cieux d'une façon complète, excepté après la mort. Avant la mort, c'est uniquement le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était capable de faire ça. Et le chef il explique que qu'est-ce qu'on veut dire par le sommeil ou en état de sommeil, c'est-à-dire que qu'est-ce que la personne voit, yani comme une sorte de rêve, c'est des choses qu'il voit et qu'il sent, mais yani, en réalité il n'est pas sorti, il a l'impression qu'il monte aux cieux et qu'il va de la Mecque à Bayt al-Maqdis, alors qu'en réalité rien ne s'est passé, il n'est pas sorti, son âme n'est pas sortie, il n'est pas allé nulle part, mais c'est juste une vision qu'on lui fait voir. Hein. Il y a d'autres qui disent non, c'est juste qu'il voit une vision, comme s'il a l'impression qu'il va à Bayt al-Maqdis aussi. Il y a deux personnes qui ont été rapportées d'avoir dit ça. Puis ensuite, le chef dit, وَاسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ إِنَّ الْإِسْرَاءَ وَعَلَيْكُمْ سَلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَاسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ إِنَّ الْإِسْرَاءَ كَانَ بِرُوحِهِ لَا بِجَسَدِهِ بِمَا جَاءَ فِي رِوَايَةِ شُرَيْكَ أَوْ شَرِيكَ ابْنُ أَبِي نَمْرٍ عَنْ أَنَسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَفِيهِ ثُمَّ اسْتَيْقَظْتُ فَإِذَا أَنَا فِي الْحِجْرِ. Donc il y en a qui se sont basés sur cette narration de Shariq ibn Abi Namr pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'Isra avec son âme et non avec son corps. Et dans cette narration-là, qui est rapportée selon Anas, qui dit « Puis par la suite je me suis réveillé et j'étais dans ma chambre. » Akhrajah al-Bukhari fi kitab Tawhid. واستيقظ وهو في المسجد الحرام لو كنت ذا المسجد الحرام فسيدا صحيح البخاري. وأخرج مسلم أصل الحديث وذكر إسناده دون سياقه لشذوذ كثير من ألفاظه مع صحته في أصله. Donc ça il a été rapporté dans Muslim aussi avec sa chaîne de narration etc. Donc ça a été rapporté par Al-Bukhari Muslim. Donc le cheikh il répond à ces positions là ou à ces opinions là il dit وَقَدْ أُجِيبَ عَنْهُ بِجَوَادَيْنِ. On a répondu à cette opinion avec deux preuves ou avec deux explications. أَحَدُهُمَا أَنَّ هَذَا مَعْدُودٌ مِنْ غَلَطَاتِ الشَّرِيكِ وَقَدْ غَلَّطَ الْحُفَّاظَ شَرِيكًا فِي أَلْفَاظٍ عَدِيدَةٍ مِنْ حَدِيثِ الْإِسْرَاءِ. والثاني أن الاستيقاظ محمول على الانتقال من حال إلى حال. قال ابن كثير هذا الحمل أحسن من التغليظ والله أعلم. Donc le chef il explique, il dit que les deux réponses qu'on a données pour répondre à cette idée qu'il a fait l'Isra avec son âme seulement, non avec son corps, et la réponse à cette narration qui a été rapportée selon Anas, que lorsqu'il s'est réveillé, il était dans le Hijr ou bien dans Al-Haram, c'est que la première, c'est que Sharik, beaucoup des rapporteurs ou des gens qui ont mémorisé le hadith ont dit qu'il a des erreurs dans certains des mots qu'il rapporte dans certains hadiths du Isra, au sujet de l'Isra, et il a fait beaucoup d'erreurs dans ce rapport-là. Et dans la deuxième réponse, c'est que, on doit interpréter ou comprendre le mot. Quand il dit istayqastu, je me suis réveillé, on doit le prendre dans le sens qu'il est passé d'un état à un autre. Et non, pas nécessairement le réveil qu'on connaît lorsqu'on se réveille du sommeil. Mais, Ibn Kathir, il a dit que cette interprétation-là, ou cette compréhension-là, elle est mieux que d'essayer de dire qu'il s'est trompé dans le mot du hadith. En parlant de sharik, celui qui a rapporté un des narrateurs. Il l'a pris de Mecca jusqu'à Baitul Maqdis. Puis il l'a attaché, il l'a monté à la mosquée, puis il l'a monté dessus. إلى أن قال ونحن لا ننكر وقوع منام قبل الإسراء تبقى ما وقع بعد ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وقد تقدم مثل ذلك في حديث بدء الوحي أنه رأى مثل ما وقع له يقظة مناما قبله، ليكون ذلك من باب الإرهاق والتوطئة والتثبيت والإيماء والله أعلم. Donc Ibn Kathir il continue et il dit, et on ne nie pas le fait que qu'est-ce qui est arrivé dans l'Isra, dans le Mi'raj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu dans son sommeil avant que ce soit produit dans la réalité, comme ça s'est produit pour le début de la révélation. Il y a aussi une situation pareille qui s'est produite, qu'il avait vu dans un rêve auparavant, avant que la chose se produise en réalité, il l'avait vu en rêve auparavant. Donc il dit que c'est la même chose qui s'est produite, probablement qu'il a vu un rêve, qu'est-ce qui allait se passer dans l'Isra ou le Mi'raj, et par la suite, ça s'est produit réellement, il a vu Al-Buraq, et puis il est parti, il est monté dessus en réalité, avec son corps et son âme. Donc ça c'est l'explication, qu'est-ce que le Cheikh a donné. Par la suite, il dit, « وَهَلْ تَكَرَّرَ الْمِعْرَاجِ » Est-ce que le Mi'raj s'est reproduit plus qu'une fois, ou bien s'est produit uniquement une seule fois? الشيخ البي وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن ساق الأحاديث الواردة في هذا الموضوع إذا حصل الوقوف يعني شوف كيف زواج لكي وسيط يعني سبحان الله يدي جنب جديد يعني إذا تبدو كل جنس حديث وكيد يعني تعمل فعلا ساقين من الصوفية يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى Hein, et ça fait partie de leur aqida, yani, au sujet des awliya, que pour eux les awliya ils peuvent être à plusieurs endroits en même temps. Et puis beaucoup d'entre eux par exemple ils vont dire bon, tout le monde va se lever pour aller faire la prière et eux ils vont rester assis. Ouais, le chef lui il reste assis, il ne va pas prier, il ne va pas faire son wudu. Et quand on lui demande pourquoi s'il reste assis, pourquoi tu ne pries pas, il dit moi je suis allé prier à Mecca. J'ai pas besoin de me lever pour prier. Donc ça fait partie des idées de ces gens-là, qui se battent sur l'histoire d'Isra et Mi'raj pour essayer de faire croire qu'ils sont capables eux aussi de faire la même chose. Mais ça, c'est des choses graves aussi. Aussi, il y en a parmi eux qui croient qu'ils peuvent être à se transporter ou être, avoir des. Ils ont plusieurs clones, yani, de même à différents endroits de, qui vivent en même temps sur la Terre, yani, qui se multiplient à différents endroits. Yani. Donc, il y a des narrations de ça dans leurs livres. Si vous regardez dans leurs livres, vous allez voir ça. Donc, ça, c'est pour montrer que ça, là, c'était uniquement pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, personne d'autre se prétend qu'il fait des choses de ce genre ou qui peut se permettre de dire, bon, moi, je suis allé faire le hajj, il est resté assis là, et puis il dit, moi, je viens juste d'aller prier à Mecca. Et ça, c'est bas. Alayhi wa sallam, wa rahmatullah. Le chef il dit, donc, Al-Hafiz ibn Kathir, il a rapporté les hadiths qui se rapportent, il a rassemblé les hadiths qui se rapportaient au sujet de Al-Isra wa Mi'raj, et il a dit, وَإِذَا حَصَلَ الْوُقُوفُ عَلَى مَجْمُوعِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ صَحِيحِهَا وَحَسَنِهَا وَضَعِيفِهَا فَحَصَلَ مَضْمُونُ مَا اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ من نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس وأنه مرة واحدة واختلفت عبارات الرواة في أدائه أو زاد بعضهم فيه أو نقص منه فإن الخطأ جائز على من عدا الأنبياء عليهم السلام ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة فأثبت إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب وأرغب وهرب إلى غير مهرب ولم يتحصل على مطلوب. Donc le chef, qu'est-ce qu'il explique? Il dit que si on rassemble tous les hadiths qui ont été rapportés au sujet de l'Isra, ceux qui sont authentiques, ceux qui sont acceptables et ceux qui sont faibles, on peut arriver à l'accord ou à comprendre que yani, l'Isra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de Mecca ila Bayt al-Maqdis, c'est arrivé une seule fois. Et puis, il y a eu différentes narrations qui ont eu des différences entre les rapporteurs, et certains ont ajouté, et certains ont enlevé dans leur narration de cette histoire. Donc, c'est sûr qu'il y a eu, peut-être que certains d'entre les rapporteurs ont fait des erreurs en rapportant l'histoire. Certains ont rajouté, certains ont enlevé, et donc, après le cheikh il dit, et celui qui a fait ou qui a cru que chaque fois qu'il y avait une narration qui était contradictoire avec une autre, et bien c'était une Isra, nouvelle Isra différente que l'autre dans l'autre narration, et bien, certains d'entre les gens ont fait cette erreur. Ils ont cru que chaque fois qu'il y avait un rapport ou une narration qui était différente d'une autre, ils ont cru que ça c'était l'affirmation d'une Isra différente. Donc ils ont affirmé qu'il y avait, ou ils ont cru qu'il y avait plus qu'une fois l'Isra ou le Mi'raj. Et le chef, Ibn Kathir, il dit que celui qui a cru ça, eh bien il s'est trompé, et puis il est loin d'avoir compris, puis il n'est pas arrivé à qu'est-ce qu'il à son but, il n'est pas arrivé au but qu'il devait atteindre. Ouais. Je ne sais pas à quelle heure ils vont aller. On va commencer, on va arrêter, Inch'Allah. Donc, on va arrêter ici, Inch'Allah. On continuera la semaine prochaine. La dernière partie de ce sujet, le sujet de Al-Isra wa Mi'raj. Puis, qu'est-ce qui va arriver, Inch'Allah, à partir de la semaine prochaine, ouais, ce sera, étant donné que la session est terminée, j'ai dit au frère au début que j'allais peut-être rajouter un jour ou deux durant la semaine pour faire compléter, parce que, étant donné que j'ai fini l'école, Inch'Allah. J'aurai plus de temps à donner pour faire plus de ceux qui sont intéressés. On rajoute un jour ou deux, Inch'Allah. Donc, je vais durant la semaine vous annoncer quel jour, puis à quelle heure, Inch'Allah, puis si vous avez des suggestions à ce sujet-là, Inch'Allah, on pourra. Vous allez me donner vos opinions, puis je vais l'annoncer. Lorsqu'on aura déterminé exactement, on pourra commencer la semaine prochaine, Inch'Allah, à faire un ou deux, trois jours par semaine. أعوذ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم